Si la guerre n'est pas qu'un mot, qu'est-ce que le fait d'utiliser ou de ne pas utiliser ce mot change à la politique ? Suffit-il d'affirmer que nous sommes en guerre pour le devenir ? Et à l'inverse, suffit-il de ne pas prononcer le mot de guerre pour ne plus l'être ? Après 3 semaines de guerre en Ukraine, voici cette semaine et ce matin les philosophes face à la guerre. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. J'ai pris la décision d'une opération militaire. La Russie ne peut pas se sentir en sécurité, se développer et exister avec une menace constante émanant du territoire de l'Ukraine actuelle. Bonjour Jean-Vincent Olindre. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Lorsqu'on entend Emmanuel Macron déclarer la guerre au virus le 16 mars 2020 et qu'on entend ensuite Vladimir Poutine ne pas employer le terme de guerre au moment d'envahir l'Ukraine, il parle d'opération militaire, on est déjà là au cœur du problème que soulève le mot guerre, à savoir qu'il n'est jamais anodin de l'employer ou de ne pas l'employer. C'est une décision politique que d'utiliser le mot de guerre lorsqu'on est soi-même responsable politique. Lorsqu'Emmanuel Macron parle de guerre sanitaire, bien entendu, il fait la distinction en disant qu'il s'agit d'une maladie contre laquelle on est en train de lutter, mais il veut évidemment dramatiser l'enjeu, montrer que c'est important. Le mot de guerre renvoie à l'importance politique de la situation dans laquelle nous sommes. Dans le cas de Vladimir Poutine, bien sûr, lorsqu'il parle d'une opération militaire spéciale, c'est également important, et il s'adresse à la nation russe de cette façon. Mais il veut montrer qu'en quelque sorte, c'est une opération limitée, que c'est une sorte de sécurisation, pardon, d'une situation politique, puisque pour Vladimir Poutine, c'est déjà un point important, d'une certaine façon, la question ukrainienne est une question intérieure. C'est une question au sens où ça fait partie du voisinage et même peut-être de l'empire russe tel qu'il le conçoit. Donc parler d'opération militaire et dire qu'il y a une menace qui vient de l'Ukraine, c'est protéger bien sûr la nation russe, mais c'est aussi déjà considérer la chose de manière plus offensive. Parce que ne pas employer le terme de guerre, ça veut dire qu'il est chez lui en quelque sorte. Parce que la guerre, c'est d'un État à un autre État, c'est ça ? Il n'y avait pas de guerre en Algérie. Il y avait des événements. Et l'Algérie était française. Bien sûr, c'était une guerre au sens où il y avait deux volontés politiques qui s'affrontaient, mais pendant très longtemps, on a parlé d'événements. Alors bien sûr, la comparaison est sans doute osée, mais c'est pour bien comprendre que du point de vue de la méthode, du point de vue de la perception politique, Monsieur Poutine veut envoyer un message très clair, comme il l'avait fait en Tchétchénie, où il parlait d'opérations contre des terroristes. Alors vous êtes Jean-Vincent Olindre, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, directeur scientifique de l'IRSEM, et vous avez écrit « La ruse et la force, une autre histoire de la stratégie ». C'était paru en 2017 chez Perrin, et dans cet ouvrage, vous examinez justement les différentes façons de penser la guerre. Parce qu'il faut le dire, et on est là pour ça aussi ce matin et cette semaine sur les chemins de la philosophie, que le concept de guerre, évidemment, n'est pas récent, et que d'ailleurs, depuis le début de l'histoire même de la philosophie, il a été pensé comme tel. On peut remonter jusqu'à Platon. D'ailleurs, vous l'avez fait en quelque sorte en disant que quand Poutine ne refuse de parler d'employer le mot guerre, ça veut dire qu'il ne se considère pas en guerre, être un État qui est en guerre contre un autre. Et au fond, c'est ce que Platon dit aussi, finalement, la guerre n'est jamais que la guerre contre l'étranger, contre les barbares, et pas la guerre civile. Exactement. La guerre pour Platon, c'est le polémos. C'est le polémos, c'est-à-dire la guerre entre les cités. Deux cités qui se font la guerre, par exemple la guerre des Grecs contre les Perses. Alors évidemment là en plus il y a une altérité culturelle de la Grèce contre les barbares, donc il y a cet élément-là qui s'ajoute culturel, qui s'ajoute à la guerre au sens politique. Et puis il y a évidemment la guerre entre Sparte et Athènes, deux cités. Ça c'est la guerre entre des unités politiques souveraines. On peut écouter le texte de Platon, si vous voulez, au livre 5 de la République, dans lequel il définit justement la différence entre guerre et dissension. Quand les Grecs se battent contre les barbares et les barbares contre les Grecs, nous dirons qu'ils se font la guerre et qu'ils sont par nature ennemis. Cette hostilité, il faut l'appeler guerre. Mais quand les Grecs entreprennent contre des Grecs une action de ce genre, nous dirons qu'ils sont par nature amis, mais que dans cette situation, la Grèce est malade et en proie à la dissension interne. Ce type d'hostilité, il faut le nommer dissension. Dans cette dissension, telle que nous nous accordons à la reconnaître de nos jours, s'il se produit où que ce soit quelque chose de ce genre, et qu'une cité se divise, si les deux parties ravagent réciproquement leurs champs et incendient leurs maisons, on jugera que la dissension interne est chose abominable, et qu'aucune d'entre elles n'aime la cité, car autrement elles n'auraient jamais eu l'audace d'agresser leurs nourrices et leurs mères. Ce qui semble par ailleurs une action mesurée, c'est pour les vainqueurs de piller la récolte des vaincus et de réfléchir au fait qu'ils finiront par se réconcilier et qu'ils ne seront pas toujours en guerre. Par conséquent, ils seront d'avis que le conflit qui les oppose aux Grecs, du fait qu'il s'agit de parents, constitue une dissension, et ils ne le nommeront plus guerre. C'est donc avec bienveillance qu'ils modéreront leurs adversaires et éviteront de les punir par l'esclavage ou par la destruction. Ils seront en effet leurs modérateurs et non leurs ennemis. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Les philosophes face à la guerre, c'est le programme des chemins de la philosophie cette semaine. Ce matin, en compagnie de Jean-Vincent Olyndre, vous venez d'entendre un texte de Platon, donc le livre 5 de la République. Pourquoi est-il important, Jean-Vincent Olyndre, de distinguer la guerre de la dissension afin de réserver la guerre au conflit entre avec l'étranger, avec le barbare, dit Platon? Parce que d'abord pour Platon, au fond, la vraie et seule première question de la philosophie, c'est la question de la cité, c'est-à-dire la question interne. Au fond, les questions internationales, pour Platon et pour Aristote, sont des questions secondaires. Alors qu'elles sont devenues pour nous, modernes, à partir de Machiavel, des questions fondamentales, des questions essentielles, des questions régaliennes, la politique étrangère, la défense, on le voit a fortiori aujourd'hui, sont vraiment les questions qui caractérisent le pouvoir exécutif. Alors que dans la cité antique, au fond, ce qui compte, c'est établir la paix dans la cité. Et c'est bien le problème, c'est-à-dire que Platon distingue le polémos de la stasis, la guerre étrangère contre d'autres cités, de la guerre intérieure, de la dissension. Stasis, c'est la dissension qui peut déboucher sur la guerre civile. Et donc c'est la principale menace qui pèse sur la cité, c'est la stasis. Alors que la guerre, elle, peut servir à renforcer la cité. Elle peut servir à de cohésion. On le voit en Ukraine aujourd'hui. Finalement, Monsieur Poutine a rendu un très grand service à l'Ukraine, puisqu'il participe de sa construction nationale. Et en même temps, on voit que la situation actuelle défie un peu les catégories de Platon. Puisqu'on voit que en Syrie hier et en Ukraine aujourd'hui, on a à la fois une stasis. En Syrie, il y avait une guerre civile au départ. En Ukraine, il y avait une dimension civile d'opposition entre des factions qui s'opposaient. La Russie s'est mêlée de cela et elle était impliquée là-dedans. Donc il y a une dimension de stasis dans les conflits actuels et en même temps une dimension de polémos, puisqu'on voit qu'effectivement entre la Russie et l'Ukraine, qui sont deux États souverains, il y a une guerre au sens où M. Poutine a engagé une invasion. Donc ces distinctions fondamentales que fait Platon entre polémos, la guerre entre les cités, la guerre étrangère, et stasis, la guerre dans la cité, aujourd'hui, elles sont mises à mal par la scène stratégique. Oui, et puis de là à dire que Poutine a rendu service à l'Ukraine, c'est quand même aller un peu loin, non? Non, parce que en réalité, il est en train de tuer tous les civils, enfin une grande partie des civils. Non, mais il a rendu service sur le plan politique. Regardez Zelensky aujourd'hui, qui a enfin réussi à unir son pays. Il y a même aujourd'hui beaucoup de gens qui étaient entre guillemets acquis à la cause russe avant ce conflit, qui aujourd'hui se rassemblent parce qu'ils ne veulent pas de la guerre justement et qui veulent rester l'Ukraine. Donc regardez aussi ce que l'invasion militaire a provoqué en Europe, le profond élan de solidarité justement vis-à-vis de l'Ukraine, l'Allemagne qui décide de se réarmer alors que c'était un tabou énorme, la volonté de renforcement de la solidarité européenne. Donc bien sûr, ce qui se passe en Ukraine est absolument terrible, mais par ricochet, ça peut provoquer une prise de conscience de l'Ukraine qu'elle est une nation, elle le savait, mais elle se le révèle à elle-même encore plus, prise de conscience que l'Europe forme un tout, à la fois politique et culturel, et prise de conscience enfin que la guerre est une possibilité, que être désarmé constitue une faiblesse politique. Mais est-ce que ça veut dire que le sentiment d'appartenir à une nation ou à une communauté, dans le cas de la communauté européenne, justifie le conflit ou la guerre, justement. Pas du tout, c'est le contraire. C'est-à-dire que la guerre constitue un ciment du lien politique. C'est ce que Platon avait très bien vu, c'est-à-dire lorsque les Grecs font la guerre, lorsque les cités, la cité athénienne fait la guerre, à travers cette figure de l'hoplite, ce citoyen soldat qui fait la guerre pour sa cité, il y a l'idée du ciment de l'ordre politique qui est reflété à travers la manière de faire la guerre. Donc lorsque je dis que les Ukrainiens font nation lorsqu'ils font la guerre à la Russie, c'est qu'effectivement cet événement tragique constitue un moyen de faire l'unité, une unité qui, je dirais pas, faisait difficulté, mais qui n'était peut-être pas aussi évidente avant le conflit. Mais ma question, c'est est-ce que la guerre est indispensable à ce sentiment d'unité ? Est-ce que l'unité a besoin de la guerre pour exister ? C'est une vraie question. C'est une vraie question. L'unité politique nationale, hein, j'entends. La construction des États modernes en Europe, d'une certaine façon, a été renforcé ou a été même créé par la guerre. Hein. La fameuse phrase du sociologue Charles Tilly, la guerre fait l'État et l'État fait la guerre. C'est-à-dire qu'il y a l'État fait la guerre, c'est-à-dire que c'est l'État qui décide de faire la guerre, c'est lui qui, à travers les armées régulières, les armées nationales, fait la guerre. Mais en retour, la guerre fait l'État au sens où elle construit les institutions étatiques et elle construit aussi jusqu'à un certain point le sentiment national. On le voit bien en France au moment de la Révolution française où les guerres révolutionnaires constituent un élément pour la République d'unité. Hein, Valmy, c'est aussi ça. Mais est-ce que ça veut dire que ce que pense Platon à l'époque où il écrit la République, à savoir au 5e siècle avant Jésus-Christ, est encore absolument valable aujourd'hui ? Ça veut dire que rien dans notre conception politique, dans notre manière d'aborder le concept de guerre n'aurait évolué ? Si, bien sûr, ça a évolué, mais là où Platon touche juste, c'est ce lien, je dirais, irréductible entre guerre et politique que ensuite Clausewitz retravaillera. Alors ça se fait dans le cadre de la cité et donc dans le cadre d'une communauté de citoyens. Donc de ce point de vue, c'est très différent de nos régimes représentatifs modernes, où d'une certaine manière nous déléguons le soin à d'autres, le fait de nous défendre. Aujourd'hui, l'essentiel des armées sont des armées professionnelles, parce que voilà, la défense nationale est assurée par des militaires professionnels, alors que précisément le modèle de la cité grecque, qui était longtemps d'ailleurs le modèle des États modernes, c'est le modèle du citoyen-soldat. Mmh. Donc il y a une division du travail, en quelque sorte, dans les régimes contemporains qui n'existe pas dans la cité grecque, parce que la communauté de citoyens, c'est une communauté irréductible sur le plan politique, mais elle est aussi d'une certaine façon irréductible sur le plan militaire. Si on avance dans l'histoire, ce qu'on va essayer ce matin de retracer les différentes manières de penser la guerre dans l'histoire de la philosophie, on a commencé avec Platon, on va faire un grand bond et on va aller au 16e siècle du côté du prince de Machiavel. Machiavel qui cette fois-ci a l'air de considérer l'art de la guerre comme étant une compétence essentielle que doit avoir le prince en pouvoir, en exercice. La guerre, les institutions et les règles qui la concernent sont le seul objet auquel un prince doive donner ses pensées et son application, et dont il lui convienne de faire son métier. C'est là la vraie profession de quiconque gouverne. Et par elle, non seulement ceux qui sont nés princes peuvent se maintenir, mais encore ceux qui sont nés simples particuliers peuvent souvent devenir princes. C'est pour avoir négligé les armes et leur avoir préféré les douceurs de la mollesse qu'on a vu des souverains perdre leurs états. Mépriser l'art de la guerre, c'est faire le premier pas vers sa ruine. Le posséder parfaitement, c'est le moyen de s'élever au pouvoir. Une des fâcheuses conséquences pour un prince de la négligence des armes, c'est qu'on vient à le mépriser, abjection de laquelle il doit sur toute chose se préserver. En effet, entre un homme armé et un homme désarmé, la disproportion est immense. Il n'est pas naturel non plus que le dernier obéisse volontiers à l'autre, et un maître sans armes ne peut jamais être en sûreté parmi des serviteurs qui en ont. Ceux-ci sont en proie au dépit, l'autre l'est au soupçon, et des hommes qu'animent de tels sentiments ne peuvent pas bien vivre ensemble. Un prince qui n'entend rien à l'art de la guerre peut-il se faire estimer de ses soldats et avoir confiance en eux ? Il doit donc s'appliquer constamment à cet art et s'en occuper principalement durant la paix. Jean-Vincent Olyndre, vous avez parlé de Clausewitz, on va y venir dans un instant, puis on va voir aussi comment les concepts de ruse et de force qui ont donné son titre à votre livre permettent de penser la situation aujourd'hui, hein, la guerre en Ukraine, puisque vous proposez une autre histoire de la stratégie. Mais d'abord, pour bien contextualiser ces éléments de pensée, cet extrait donc du chapitre 14 du Prince de Machiavel, est-ce que c'est avec Machiavel que la guerre va devenir le premier sujet politique? Oui, en tout cas, c'est un moment essentiel. Bien sûr, c'est toujours difficile de résumer une rupture aussi forte à un seul auteur, c'est beaucoup plus compliqué, mais quand même, Machiavel est celui qui formule sans doute avec le plus de netteté la politisation de la guerre, au sens où la guerre devient le premier sujet politique, c'est-à-dire lorsque Machiavel dit dans le chapitre 14 qu'on vient d'entendre un prince désarmé ne vaut rien, c'est cette idée-là, c'est-à-dire cette idée que au fond sans les armes on ne peut pas conquérir le pouvoir, et sans la stratégie militaire on ne peut pas conquérir le pouvoir, et sans la stratégie militaire on ne peut pas le conserver. Donc c'est d'une certaine manière à partir de là la question essentielle. La question n'est plus de savoir quel est le meilleur régime politique, question platonicienne, mais la question de savoir comment gouverner, comment conquérir le pouvoir et comment gouverner. La guerre, ici, est la pierre angulaire du bon gouvernement, et elle devient la politique étrangère, la politique militaire devient la question essentielle du politique. Donc il politise la guerre, Machiavel, mais il bellicise aussi la politique, puisqu'on le voit dire que au fond un prince doit penser essentiellement à la guerre, c'est faire de la politique un champ de bataille, et c'est considérer que d'une certaine façon ce qui constitue la base continue de la vie sociale et humaine, c'est le conflit. C'est le conflit qui nécessite de la part de celui qui gouverne, du politique, de savoir gérer les conflits en quelque sorte. Donc on n'est plus dans l'ambition de la construction du meilleur régime politique, du bien commun, mais dans la préservation de la stabilité. Il faut pour comprendre ça aussi rappeler peut-être le contexte dans lequel écrit Machiavel. Exactement, c'est-à-dire les guerres d'Italie. Machiavel observe la désunion des cités italiennes face aux Français, aux Espagnols, qui justement sont armés, là où l'Italie désunie est également désarmée. Et donc Machiavel en appelle non seulement à ce que l'Italie se soit mieux armée, mais il appelle aussi à une réflexion sur finalement à partir de ce cas des guerres d'Italie sur l'appartenance politique. Parce que Machiavel fait un éloge à partir de l'Antiquité, à partir de Rome essentiellement, mais aussi un peu à partir de la Grèce antique, de la figure du citoyen soldat. Machiavel s'oppose à l'idée des mercenaires, des condottieri, qui sont chèrement payés par les cités italiennes et dont la République de Florence pour faire la guerre. Mais les mercenaires, eux, ils n'ont pas intérêt à gagner la guerre. Ils ont intérêt à ce qu'elle continue, d'une part parce qu'ils veulent survivre, et ensuite parce qu'ils n'ont aucun intérêt au sacrifice. Alors que le citoyen soldat, lui, issu de ce modèle antique, lui, il est là pour faire vaincre la cité politiquement. Il n'est pas là simplement pour gagner sa vie. Mmh. Mais Machiavel se situe uniquement du point de vue du prince, et pas du pays, pas des citoyens. Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire que oui, dans Le Prince, il interroge évidemment ce que c'est qu'une principauté. Hein, c'est le sujet de son livre. Mais lorsqu'on lit les discours sur la première décade de titre livre, on voit bien que Machiavel n'est pas, n'a jamais été dans cette perspective. C'est un républicain florentin, qui a une perspective très radical, mais qui reste dans une perspective républicaine. Hein. Machiavel est attaché à l'idée du peuple, à l'idée que le peuple soit bien gouverné par un gouvernant juste, etc. Donc c'est pas parce qu'il y a cet éloge de la force, en quelque sorte, et de la ruse, que Machiavel fait un éloge de la monarchie. Hein. C'est pas du tout lié chez Machiavel, contrairement à chez Hobbes. C'est ça, mais la question se pose quand même de savoir comment ces penseurs qui réfléchissent au rôle de la guerre en politique, et dans le cas de Machiavel les identifie quasiment, hein, comment ils se positionnent. C'est-à-dire que une chose est d'écrire sur les choses que doit faire le prince pour rester et pour bien gouverner, et une autre de réfléchir à l'utilité de la guerre d'un point de vue beaucoup plus large, qui ne serait pas que l'exercice du pouvoir du prince, mais aussi le mode de vie des citoyens dans ce pays. Oui, bien sûr. Il y a toujours cette difficulté chez Machiavel, dans la mesure où, anthropologiquement, il a une perspective très pessimiste. Il y a une perspective, la désunion est toujours possible. Et en même temps, c'est peut-être la grande question républicaine. C'est-à-dire, lorsqu'on se pose la question de l'unité, on est obligé de se poser la question de la désunion. les situations françaises des dernières années le montrent bien. C'est-à-dire que la France est toujours soumise au spectre de la désunion parce qu'elle est obsédée par cette question de l'unité républicaine. Donc, au fond, Machiavel est on ne peut plus républicain lorsqu'il met la guerre au centre. Il est on ne peut plus républicain parce que il réinvente le modèle du citoyen soldat, mais sur le plan philosophique voire anthropologique, il réfléchit à cette dialectique entre unité et division qui est la grande question. Et ça, c'est évidemment Claude Lefort qui l'a très bien montré dans son livre sur Machiavel, en montrant qu'au fond, la vraie grande question politique, c'est celle-là, la question de l'unité et de la division, et donc la question du conflit qui se réfracte sur le plan intérieur, avec cette perspective toujours de la guerre civile possible, et qui fait de la politique étrangère la grande affaire des gouvernants. Mais ça veut dire, Jean-Vincent Olyndre, qu'il n'y a pas de politique sans guerre ? La politique est autre chose que la guerre, bien entendu, parce que précisément l'idée de Machiavel, c'est qu'il faut obtenir une forme de stabilité, c'est-à-dire se réarmer. Chez Machiavel, c'est pas l'objectif, c'est pas de faire la guerre absolument. Lorsque Machiavel fait l'éloge de la ruse, c'est pas pour être trompeur toujours et pour être cynique toujours. Au contraire, Machiavel est un républicain. Il dit juste que pour se préserver de cette anthropologie négative, en quelque sorte, le prince doit anticiper. Pour éviter d'être envahi, il doit se protéger. Pour éviter la désunion de la cité, il doit entretenir l'unité. Donc le point de vue négatif de Machiavel n'est pas un point de vue qui le conduit à en quelque sorte avoir cette identité entre guerre et politique. Mais même plus largement, je vous pose la question plus largement. La politique peut-elle se passer de la guerre ? Est-ce qu'on peut penser à la politique sans la guerre ? Disons qu'on peut difficilement penser la politique sans la possibilité de la guerre. C'est-à-dire que on ne peut pas, je dirais, faire de la guerre en quelque sorte l'élément essentiel de la condition politique, parce que sinon ce serait effectivement une dérive. Machiavel reste, il me semble, attaché à cette idée que la guerre n'est en quelque sorte pas naturelle, qu'elle est le produit en quelque sorte de la vie civile, de la vie sociale. Et qu'elle doit être, à ce titre, être préparée. Mais préparer la guerre, réfléchir à sa possibilité, s'organiser en conséquence, ne veut pas dire, en quelque sorte, que la guerre est toujours là, fort heureusement. Elle est toujours là en possibilité, en puissance, mais elle n'est pas toujours là en permanence. Non, certes, mais le penseur, effectivement, de la guerre est celui qui doit toujours en voir la potentialité dans l'exercice politique. Et c'est toute la difficulté de nos situations actuelles, puisque le passage qu'on a cité sur le prince doit toujours avoir l'obsession, en quelque sorte, de la guerre, c'est pas du bellicisme, c'est juste l'idée que si on oublie cette possibilité de la guerre, non seulement on sera désarmé et plus en mesure de se défendre, mais en plus, d'une certaine manière, on oubliera la question politique fondamentale, qui est la question de l'unité républicaine. D'une certaine manière, Machiavel, sur ce point en tout cas, reste un tout petit peu platonicien, dans le sens où il pense que ce qui fait l'unité de la République, c'est précisément cette unité autour de la possibilité de la guerre et de la nécessité pour une nation, pour un État, pour une République, de se défendre. Et c'est le point clé, justement, dans ce contexte des guerres d'Italie, c'est qu'il a le sentiment que les cités italiennes ne sont pas en mesure de se défendre parce qu'elles ont laissé le soin à d'autres, les condottieri, cette responsabilité essentielle du politique. Et dans quelle mesure ce qu'il dit s'applique à notre contexte aujourd'hui ? Eh bien, parce que sans doute que la professionnalisation des armées et le recours de plus en plus fréquent aux mercenaires, d'ailleurs qui n'est pas réservé du reste aux démocraties, puisqu'on le voit la Russie avec le groupe Wagner, cette idée des mercenaires est très très présente aussi dans des régimes qui ne sont pas démocratiques. Mais c'est vrai que le lien armée-nation est sans doute beaucoup plus difficile à établir dans un système où il y a une division du travail entre des professionnels de la guerre qui sont chargés de l'affaire et bien des soldats qui sont formés pour cela et puis des citoyens qui d'une certaine façon, comme le dit Tocqueville, en démocratie oublient la guerre parce que les intérêts privés, le confort personnel, le bien-être dans lequel s'habituent à juste titre et pour le mieux les démocraties, nous fait oublier la question de la guerre. Et au fond, si aujourd'hui cette question réapparaît et qu'on en parle cette semaine à France Culture, c'est parce que d'une certaine façon, l'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie non seulement nous rappelle ce passé des guerres du XXe siècle qui nous a profondément marqués, mais aussi parce que cette leçon de Machiavel réapparaît en quelque sorte par surprise. Ce qui est juste un peu regrettable, c'est que ce soit une surprise. C'est-à-dire qu'en réalité, la guerre n'est pas la politique, mais ce qui est certain, c'est que la guerre fait partie de la condition historique de l'humanité. C'est-à-dire, ce qui est surprenant, c'est que nous ayons vécu en paix aussi longtemps, d'une certaine façon, sans être catastrophiste. Hein, il ne s'agit pas de dire que la guerre est pour demain, mais de considérer que cette elle a déjà lieu. Vous voulez la guerre en Ukraine, mais elle ne nous touche pas directement et nous ne sommes pas en guerre aujourd'hui contre la Russie. Mais il est vrai que, vous avez raison de le dire, la guerre est parmi nous au sens où elle est aux portes de l'Europe et qu'elle touche un pays qui nous est très proche à tous égards, sur le plan politique, sur le plan géographique. Donc ça rappelle ces traumatismes des guerres du XXe siècle, mais aussi ça nous rappelle que peut-être nous avons un peu laissé de côté la défense nationale, au sens où aujourd'hui, quelle a été la variable d'ajustement des politiques publiques, hein, c'est la défense nationale. Ouais. Bon, c'est peut-être pas un choix qui était complètement judicieux. Alors, ce que vous dites, cette espèce de nécessité de la guerre, y compris de la part du citoyen, il faut penser notre pays, notre État, toujours dans la possibilité d'une guerre qu'on a oubliée depuis toutes ces années. Cette oscillation entre la peur d'un côté et l'espoir de la paix de l'autre, c'est exactement ce que décrit Raymond Aron, c'était le 9 mars 1959, avec ce qu'il appelle une guerre psychologique. Dans la guerre psychologique globale, il y a en permanence le jeu sur ces deux sentiments élémentaires et fondamentaux de l'être humain qui consistent d'une part à faire peur et d'autre part à susciter l'espoir. Qu'il s'agisse de peur ou d'espoir, cela consiste toujours à faire vivre les hommes autrement que dans la réalité. Alors, ce qu'il faut quand même signaler, Jean-Vincent Olyndre, c'est que les formules employées par les philosophes dont on a parlé ici, par Aron et ceux qu'on entendra ensuite, c'est toujours délicat de les transposer hors contexte et d'essayer, pour essayer de comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est-à-dire que chaque penseur, vous l'avez bien montré avec Machiavel, s'inscrit dans une réalité, dans une situation qui est bien différente de la nôtre et qui commande en retour le choix des formules employées pour penser la situation. Alors, dans quelle mesure est-ce que ce que dit Aron ici sur cette guerre psychologique qui oscille entre la peur et l'espoir chez le citoyen, qui peut assez bien s'appliquer à ce qu'on vit aujourd'hui, hein, la peur que la guerre arrive à nos portes et l'espoir d'une paix possible si jamais on parvient à limiter les actions de Vladimir Poutine, est pertinente. Est-ce que ça tient au fond ce que dit Aron aujourd'hui ? Oui, ça tient ce que dit Aron parce que lorsqu'il parle de guerre psychologique, pour l'essentiel, il a en tête, des guerres asymétriques, ce qu'on appelle aujourd'hui guerre asymétrique. Il a en tête aussi la question du terrorisme, qui est la forme la plus violente de la guerre psychologique, comme le dit très bien Gérard Chalian. Et effectivement, cette dimension psychologique joue complètement. On le voit aujourd'hui à travers cette guerre des perceptions, ce qu'on appelle à tort ou à raison la guerre hybride, l'usage en quelque sorte des médias, l'instrumentalisation des médias, la déstabilisation des élections, qui constituent des armes aujourd'hui essentielles dans l'attitude du pouvoir russe. On voit bien qu'aujourd'hui la guerre est en quelque sorte sur deux piliers. Le pilier cinétique, c'est-à-dire la guerre telle qu'elle se produit avec des chars de manière très classique au fond de la part de la Russie, mais en même temps les Russes utilisent aussi des formes de guerre psychologique, hein, en tapant des maternités, en étant favorable à des couloirs humanitaires mais qui reviendront en Russie, dont on voit bien ce que ça pourrait donner, en utilisant en quelque sorte la terreur, hein, ouais. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot en Ukraine de cette façon-là. Bien sûr qu'il y a une dimension de guerre psychologique où la diplomatie est instrumentalisée pour faire la guerre. Et donc ces distinctions auxquelles nous sommes attachés en démocratie entre diplomatie et guerre, entre ce qui relève de la paix et ce qui relève de la guerre, non seulement ces distinctions sont brouillées par la situation stratégique elle-même, mais elles sont brouillées volontairement de la part de régimes autoritaires, comme c'est aujourd'hui ça. Le régime russe. Donc oui, Raymond Aron écrivait à l'époque de la guerre froide, où précisément le conflit idéologique rendait la guerre psychologique en quelque sorte centrale. Aujourd'hui, on voit bien que l'opposition entre des régimes libéraux, démocratiques et des régimes autoritaires réapparaît, et donc la guerre psychologique devient ou redevient en quelque sorte absolument centrale. Il ne s'agit pas aujourd'hui de considérer qu'on est dans une nouvelle guerre froide. Le contexte est effectivement, vous avez raison de le dire, très différent. Mais on avait peut-être mis un peu de côté la variable du régime politique, la variable de l'idéologie, Et ce retour, entre guillemets, de la guerre psychologique, ou sa persistance plutôt, parce qu'elle avait en réalité jamais disparu, est en quelque sorte le symptôme de ces clivages idéologiques qu'on pensait avoir disparu avec justement la fin de la guerre froide et qui aujourd'hui réapparaissent. Dans le discours de M. Poutine, l'idéologie est centrale. Elle est centrale. Elle est, le discours de l'intérêt est un élément évidemment important. On voit bien qu'il a volonté de maîtriser des territoires qui sont pour lui stratégiques. Mais cette dimension idéologique impériale et autoritaire est absolument centrale pour comprendre aujourd'hui le régime russe. Et donc pour comprendre la guerre psychologique qui est menée aujourd'hui par les régimes autoritaires, la Russie, mais aussi la Chine par exemple, à l'endroit des démocraties. Mais est-ce qu'il n'y a pas un découragement de votre part, là je m'adresse au prof de sciences politiques que vous êtes, à assister à ce type d'événement qui semble complètement bafouer tous les efforts de théorie diplomatique et théorie qui ont été mis en œuvre. On parle ici, on est remonté jusqu'à Platon, mais finalement ce que fait Poutine, c'est indépendant de toute forme de pensée, de conceptualisation de ce qu'est la guerre, de toute forme même de théorie. Est-ce que la guerre et cette guerre que nous vivons actuellement n'est pas finalement une espèce de manière pour la pratique de narguer avec insolence tout effort théorique? Non, disons que c'est une autre théorie. C'est-à-dire que la théorie russe de la stratégie, c'est une théorie qui intègre la diplomatie et, à vrai dire, l'ensemble des phénomènes politiques dans une conception générale de la guerre. On évoquait tout à l'heure la distinction entre guerre et politique. D'une certaine façon, pour M. Poutine, la guerre est insérée à la politique beaucoup plus fortement qu'elle ne l'est en démocratie. Ou en démocratie, ce qui est essentiel, c'est la séparation. Mmh. Séparation entre pouvoir civil et pouvoir militaire, séparation entre la guerre et la paix, séparation entre le privé et le public. Tous nos régimes libéraux sont fondés sur les séparations. Alors que le régime poutinien est un régime qui est fondé justement sur l'idée que, d'une certaine façon, la diplomatie et tous les actes politiques, y compris donc la guerre cinétique, la guerre matérielle, la guerre physique, participent en fait d'une stratégie générale. Et donc c'est pas, bien sûr, c'est un défi à nos conceptions de la guerre et de la politique et de la démocratie, mais d'une certaine manière, ça nous oblige aussi à nous décentrer, c'est-à-dire à considérer que nos conceptions de la guerre sont des conceptions qui sont sans doute les plus aimables et sans doute plus nécessaires pour permettre la sécurité internationale, mais qu'en même temps, il existe d'autres propositions sur la table. Et que ces propositions, si nous voulons les combattre, nous devons les connaître. Et finalement, j'ai l'impression qu'on a longtemps vécu avec l'idée que, par exemple, M. Poutine se rallierait à l'idée d'une diplomatie à l'occidentale. Alors que vous avez parfaitement raison, il la foule aux pieds, il s'en fiche. Complètement, oui. Mais ça nous oblige d'autant plus à nous dire, mais qu'est-ce qu'on doit faire à partir de là? Si cette rationalité et surtout cette réciprocité diplomatique ne fonctionne pas, comment lui imposer en quelque sorte quelque chose et comment reprendre la main? C'est la vraie question. Ça. Et peut-on le faire autrement que par la guerre? Au fond, si on interroge les liens entre politique et guerre, et je vous posais la question de savoir dans quelle mesure la guerre était partie inhérente, faisait partie inhérente, était constitutive de la politique, finalement, est-ce que la guerre n'est pas une sorte de fin de la politique? Dès lors qu'on est en guerre, rien d'autre ne compte. C'est plus de la politique, c'est du conflit armé. Oui, en même temps, dans le cas de la Russie, on peut faire l'hypothèse que précisément l'objectif de Monsieur Poutine est de nous amener à cette guerre, de nous faire faire l'erreur, en quelque sorte, d'aller dans l'engrenage. Ce que nous ne devons pas faire, bien sûr. Ça, pour le coup, c'est ce que les principes de la stratégie militaire nous inspirent. C'est-à-dire le principe d'économie des forces, et donc, évidemment, et aussi le principe de la guerre juste. C'est-à-dire que la guerre juste, c'est la guerre défensive. Aujourd'hui, les Ukrainiens se défendent, mais à ce stade, les démocraties occidentales ne sont pas attaquées par la Russie. Donc, si nous étions partie prenante de ce conflit, si nous étions co-belligérants, eh bien, à ce moment-là, on ne répond plus de rien. Donc, il faut être extrêmement prudent. C'est pour ça que les sanctions ont été prises, qu'elles sont de plus en plus dures, qu'elles sont amenées à être de plus en plus dures. C'est parce que le registre de la guerre ouverte est un registre qu'il faut manier avec beaucoup de précautions à bon escient. Et c'est peut-être justement un des objectifs de l'attitude de Poutine, de nous amener dans cet engrenage. Donc voilà, la question qui va se poser à un moment donné, c'est où l'arrêter? Comment et où l'arrêter dans ce projet, en espérant évidemment qu'il ne soit pas trop tard. Il n'est jamais trop tard, bien entendu, en politique. Mais c'est vrai qu'on peut se poser aussi la question des moyens qui auraient pu être pris pour l'empêcher. Alors, c'est, bien sûr, on ne va pas refaire le passé. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut aussi tirer la leçon du fait que ce conflit en Ukraine dure depuis 2013-2014 et qu'on ne l'a pas suffisamment pris au sérieux. On n'a pas pris au sérieux ce conflit et on n'a pas pris au sérieux la vision qui était celle de Vladimir Poutine, pensant jusqu'au dernier moment... contrairement à ce que disait le renseignement américain, que cette invasion n'aurait pas lieu. Donc philosophiquement, ce qui est intéressant dans cette situation, c'est comment expliquer que nous n'avons pas considéré la perspective de la guerre comme pensable. Ce n'est pas simplement une question politique de « on a mal jugé le renseignement ». C'est vraiment une question de possibilité de la guerre. Et c'est vrai que pour nous, c'était inouï. Il faut interroger ça. Il faut interroger le fait que pour nous, c'était impensable, inouï. Alors qu'en réalité, la guerre est toujours de l'ordre du pensable, politiquement et philosophiquement. La question se pose de savoir ce qu'est la guerre, qu'est-ce que la guerre, on le trouve dans le livre de Clausewitz qui s'appelle « De la guerre » justement. La guerre n'est qu'un duel sur une grande échelle. La multitude de duels particuliers dont elle se compose, considérée comme un tout, peut se représenter par l'acte de deux lutteurs. Chacun de ceux-ci veut, au moyen de la force physique, contraindre son adversaire à accomplir sa volonté. Son but immédiat est de terrasser l'adversaire et de le rendre par là incapable de continuer la résistance. D'après cela, la guerre est un acte de violence ayant pour but de contraindre un adversaire à accomplir notre volonté. La violence s'arme des inventions des arts et des sciences pour combattre la violence. Elle est accompagnée de quelques restrictions insignifiantes méritant à peine d'être mentionnées et qui se sont établies spontanément sous la désignation de « droits des gens ». Elles ne sont pas de nature à en affaiblir essentiellement l'énergie. La violence, c'est-à-dire la violence physique, car en dehors du concept d'État et de loi, il n'en existe pas de morale, constitue donc le moyen. La fin est d'imposer notre volonté à l'ennemi. Pour atteindre cet objectif avec certitude, nous devons rendre l'ennemi incapable de se défendre. C'est là, selon son concept, l'objectif véritable de l'action militaire. Clausewitz considère toujours la défense comme une forme d'attaque, et en fait comme une forme d'attaque plus efficace que l'attaque. L'exemple principal derrière cette vision, c'est la retraite de Russie, bien entendu. Mais en même temps, chez Clausewitz, ça répond à quelque chose d'essentiel, qui est, on pourrait dire, l'indifférenciation de cette notion qui nous est si chère, qui est qu'il y a d'un côté les agresseurs et de l'autre côté les agressés, au fond. Et que les agresseurs sont coupables, mais que les agressés n'ont rien à voir avec la violence. Qu'il y a une violence non violente, qui est la violence défensive. C'est ça que Clausewitz mine complètement. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et c'est René Girard qui, ici, c'était en 2007 sur France Culture, propose son interprétation du texte de Clausewitz, hein, Jean-Vincent Olyndre, avec cette idée qui effectivement est difficile à entendre et sans doute à accepter, à savoir que la violence n'est pas seulement du côté de l'agresseur et que finalement, si on se sert de la violence comme prisme pour distinguer l'agresseur de l'agressé, bah, ça ne tient pas. Et ça, on n'a pas envie de l'admettre. Non, on n'a pas envie de l'admettre. Enfin, pensez-vous qu'il ait raison déjà, c'est pas sûr. Disons que la situation actuelle nous interroge sur la pertinence de René Girard à l'évidence. Girard ou Clausewitz, là, qui parle? Bah, c'est-à-dire, il y a deux interprétations de Clausewitz, en réalité, par deux grands philosophes, que sont René Girard et Raymond Aron. Le livre de René Girard, Achevé Clausewitz, est un livre qui s'oppose à l'interprétation rationaliste de Raymond Aron. Raymond Aron qui, d'une certaine manière, retient l'autre définition de la guerre qu'on trouve chez Clausewitz. Pas celle qu'on a entendue, mais l'idée de la guerre comme continuation de la politique par d'autres moyens. La citation est connue. Hein. Voilà, la fameuse définition, la fameuse formule consistant à dire que, au fond, la guerre n'est qu'un moyen en vue d'une fin et que la guerre est encadrée par le politique. Et la première définition, celle qu'on a entendue, c'est l'idée du duel des volontés, c'est-à-dire l'idée qu'il y a en quelque sorte une réciprocité, des actions réciproques qui font que toute guerre potentiellement peut monter aux extrêmes, et la fameuse idée de l'escalade, dont aujourd'hui on parle beaucoup, précisément parce que si les Occidentaux rentrent et sont co-belligérants, il y a une possibilité d'escalade, et c'est ce qu'on veut éviter à juste titre. D'une certaine façon, aujourd'hui, nous sommes haroniens. Les Européens sont haroniens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais c'est-à-dire qu'ils veulent à tout prix éviter la montée en escalade, l'escalade militaire, et donc ils veulent contenir la guerre dans le cadre politique. Je crains simplement que nous entrions dans une séquence girardienne. Et pourtant, c'est un haronien qui donc vous parle. Donc, c'est-à-dire... Précisez bien pour qu'on comprenne bien ce que c'est. Une séquence girardienne, c'est-à-dire ce que dit René Girard, c'est que, d'une certaine façon, l'escalade est inévitable. Voilà. C'est-à-dire que pour Raymond Aron, l'escalade est en quelque sorte ce qu'il faut éviter et que la politique est capable d'éviter l'escalade. Et ce que dit René Girard, à l'épreuve des guerres du XXe siècle notamment, c'est que d'une certaine façon, lorsqu'un conflit commence, lorsqu'un agresseur agresse un autre, l'escalade est non seulement une possibilité, mais même une probabilité. Donc ça veut dire, si je vous comprends bien, si j'essaie de le traduire, qu'en clair, Aron aujourd'hui dirait surtout n'armons pas l'Ukraine et n'intervenons pas militairement contre la Russie, alors que Girard disait on n'a pas le choix, il faut y aller. Alors, c'est pas la même chose que d'armer les Ukrainiens et d'utiliser la guerre, de rentrer en guerre. Armer les Ukrainiens, c'est leur prêter un soutien militaire, comme il y a un soutien humanitaire. Les sanctions économiques vis-à-vis de la Russie sont aussi une manière de soutenir l'Ukraine. Toute cette palette de moyens, en quelque sorte, est aujourd'hui utilisée pour empêcher le régime poutinien d'arriver à son objectif politique. Objectif politique qu'on ne connaît pas complètement. C'est tout le problème. C'est-à-dire, on ne sait pas où veut s'arrêter M. Poutine, en toute honnêteté. Bien malin est celui qui pourrait dire, voilà où veut s'arrêter Vladimir Poutine. Il y a des interprétations possibles, mais il faut être très prudent et très modeste de ce côté-là. Donc oui, nous sommes haroniens au sens où les Européens et les Américains ont bien compris qu'il y avait une possibilité d'escalade contre une puissance nucléaire. Ben oui. Ce que dit René Girard, c'est qu'il faut en quelque sorte intégrer cette possibilité d'escalade. Et il a cette formule terrible dans Achever Clausewitz, il dit aujourd'hui, à travers le terrorisme, à travers la possibilité de l'arme nucléaire, dont il avait parlé en 2007 lorsque ce livre est sorti. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est frappant, c'est même glaçant. Eh bien, c'est plus le politique qui encadre la guerre, c'est la guerre qui court, c'est la politique qui court après la guerre. Il emploie cette expression en disant que d'une certaine façon, la guerre a toujours un coup d'avance. Et c'est vrai que c'est ce qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire que en ne voulant pas voir cette possibilité de la guerre, en étant en quelque sorte ignorant de cette possibilité, eh bien nous nous trouvons dans une situation où nous courons après Monsieur Poutine, nous courons après la guerre. Et c'est vrai que qui aurait pu prédire encore une fois il y a une vingtaine d'années que cette question nucléaire se poserait de cette façon-là ? C'est inouï. Donc évidemment ça justifie une prudence accrue et une prudence haronienne. C'est un haronien qui vous parle. Mais en même temps il faut prendre au sérieux. Je crois l'interprétation de René Girard, qui est une interprétation extrêmement pénétrante, qui est liée aussi à sa vision et sa théorie de la violence mimétique. Bon, c'est sûr que René Girard, je parlais du pessimisme de Machiavel. Bon, le pessimisme de René Girard est un pessimisme encore plus fort, lié à sa conception de la religion et à sa vision apocalyptique du monde. Donc pour lui, l'apocalypse, c'est évidemment un moment aussi de réconciliation et que la violence est un révélateur de la nécessité de la réconciliation. Mais il faut espérer, du moins politiquement, qu'on évitera cette hypothèse, qu'on soit du reste croyant ou pas. Oui, mais d'ailleurs, parce que la guerre n'est pas forcément... Alors, il y a la possibilité de la guerre nucléaire, et on reviendra là-dessus d'ailleurs mercredi prochain, à partir des penseurs du nucléaire, justement, au milieu du XXe siècle. Mais il y a l'entrée en guerre, pas tout de suite nucléaire. Au fond, quand vous dites, nous sommes... Enfin, l'Europe est plus du côté de René Girard que de Raymond Aron, ça veut dire que l'entrée en guerre est inévitable. Je ne crois pas qu'elle soit... Enfin, tout est évitable en politique, justement. C'est précisément le pari qui est fait. Bah oui, mais en même temps, vous dites, c'est là, c'est la guerre qui fait la loi, c'est plus la politique. Non, c'est-à-dire que je crois qu'il faut prendre au sérieux cette thèse de Girard. Mais sur le plan politique, je crois que la position des Européens aujourd'hui, qui est celle d'avoir des sanctions très lourdes, qui est celle d'armer les Ukrainiens, qui est celle d'avoir une solidarité, c'est la seule politique possible. Parce que justement, il ne faut pas donner raison... non seulement à René Girard sans doute, mais surtout ne pas donner raison politiquement à Monsieur Poutine, parce que encore une fois, il s'agit sans doute d'une provocation, d'une agression qui vise à provoquer aussi. Donc il faut prendre au sérieux cette hypothèse. Simplement, en même temps, puisque justement Clausewitz parle de la supériorité de la défensive sur l'offensive, il faudra à un moment donné se poser la question de savoir quelle est la limite pour nous. C'est-à-dire quelle est la limite pour les Européens par rapport à ce qui est en train de se passer en Ukraine. Il y a la dimension humanitaire, bien sûr, tout ce qu'on observe qui est de l'ordre de l'inacceptable au sens de Ricoeur, hein, voilà, l'intolérable, ouais. L'intolérable. Bon, il me semble qu'il y a eu un certain nombre d'opérations où cette question de l'intolérable s'est posée, la Syrie, l'ex-Yougoslavie, etc. À un moment donné, bon, ça se répète dans l'histoire et ça commence à devenir embêtant. Mais vous dites ça se répète. En fait, dans quelle mesure ce qui se passe, et c'est ça qui est assez fascinant, est quelque chose de nouveau ou au contraire, n'est-ce pas l'ultime, je ne sais pas, mais une énième répétition de ce qui est déjà arrivé. C'est une vieille guerre avec des chars russes qui débarquent. Jamais on n'aurait pensé que s'il y avait une troisième guerre mondiale, elle se passerait de cette façon-là. Bien que les outils que nous avons à notre disposition pour la pensée, sont-ils finalement toujours d'actualité ou faut-il en inventer de nouveaux? Votre livre s'appelle « La ruse et la force », une autre histoire de la stratégie publiée chez Perrin. Est-ce que les concepts de ruse et de force s'appliquent, sont pertinents pour penser la guerre que Poutine vient de déclarer à l'Ukraine? Oui, j'aurais pas écrit ce livre si je pensais le contraire. Je pense. Oui, mais la guerre n'avait pas encore lieu quand vous l'avez écrit. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que il faut distinguer ce qui relève du structurel, ce qui relève de la grammaire stratégique qui traverse en quelque sorte les époques et ce qui relève du conjoncturel, ce qui relève des circonstances. Et de même que les outils de la philosophie nous permettent, en dépit des changements de conjoncture, de penser la politique, de penser l'humain, il me semble que la ruse et la force, comme Machiavel le disait déjà, constituent deux outils essentiels de la grammaire stratégique qu'on observe du reste dans toutes les cultures stratégiques. Donc je crois que oui, par exemple, Vladimir Poutine a usé de ruse, d'une ruse qu'on pourrait qualifier de perfide, en utilisant la diplomatie comme une arme de guerre, clairement. C'est-à-dire qu'il a utilisé la ruse au sens où il a trompé les Occidentaux sur ses intentions, si tant est qu'on ait su lire correctement dans ses intentions. Et puis il utilise aujourd'hui la force de manière classique. Donc ce registre stratégique de la ruse qui contourne et de la force qui attaque directement, ce registre-là reste pertinent et il nous revient de le réinvestir, hein, c'est-à-dire que finalement nous sommes crus en quelque sorte protégés par l'arme nucléaire précisément, protégés par les alliances occidentales. L'OTAN est une alliance défensive et elle nous protège sans doute aujourd'hui en tout cas, mais en même temps, voilà, c'est pas parce qu'il y a ces alliances défensives, c'est pas parce que nous étions jusque-là préservés de la guerre, que nous ne nous retrouverons pas un jour dans ce scénario. Voilà. Et il s'agit pas d'annoncer la guerre prochaine, mais de se préparer à un scénario possible de conflit. Oui, c'est possible que notre génération connaissent la guerre, tandis que celle de nos parents, ouais, véritablement ne l'a pas connue. C'est de l'ordre du pensable, du possible, et d'une certaine façon, à l'échelle de l'histoire, c'est pas surprenant. Comment ça, c'est pas surprenant? Mais c'est-à-dire que si on regarde l'histoire de l'humanité, c'est une histoire qui a été entrecoupée et qui a même été structurée et façonnée et en même temps déchirée par les guerres. Hein, si nous regardons aujourd'hui la relation franco-allemande, relation de pacification entre Français et Allemands, elle a été longtemps marquée justement par des guerres. Et c'est d'une certaine façon ces guerres qui nous ont en quelque sorte contraints à réfléchir à des solutions pour faire la paix ensemble avec les Allemands. D'ailleurs, c'est un élément essentiel aujourd'hui de la défense de l'Europe. Le fait que les Allemands décident de se réarmer, à l'épreuve de ce que Poutine a fait, sans doute que s'il n'y avait pas eu cette invasion militaire, Vladimir Poutine n'aurait pas suscité le réarmement allemand. Poutine souhaite reconstruire un empire russe. Il souhaite changer la situation en Europe selon sa représentation et il n'a pas peur de la violence militaire. Nous le voyons aujourd'hui en Ukraine. Nous devons nous demander quelles compétences sont à disposition de la Russie de Poutine et de quelles compétences, de quelles capacités avons-nous besoin pour faire face à cette capacité. Nous préparons un fonds spécial pour l'armée allemande et je remercie le ministre Lindner pour son soutien. Le budget aura 100 milliards de plus pour l'armée pour les investissements nécessaires dans les équipements. Archive troublante, hein, Jean-Vincent Hollande. C'était Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui s'exprimait au Bundestag le 27 février 2022. Donc, il annonce le fait que Berlin va s'engager dans le déblocage immédiat d'une enveloppe de 100 milliards d'euros pour moderniser son armée, sous les applaudissements de ceux qui l'écoutent. Est-ce qu'avec ce type d'événement qui répond à la situation actuelle, on est dans, pour reprendre un peu ce que vous disiez, dans une sorte de retour de l'histoire? C'est-à-dire qu'on a beaucoup annoncé la fin de l'histoire? Et finalement, celle-ci se remet en marche. L'Allemagne se dote à nouveau d'une armée. C'est reparti, au fond, quelque part. Bon, ça s'était jamais tout à fait arrêté. C'est-à-dire que, en réalité, l'histoire avait continué d'être en marche. Simplement, le récit que nous en avions était un récit de la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, ça n'est qu'un récit. Ça n'est qu'un narratif parmi d'autres. Un récit inspiré de Hegel. Le récit de Francis Fukuyama dans son livre, ouais, qui est d'ailleurs plus complexe qu'on l'imagine. Fukuyama ne dit pas qu'il y aura plus de conflits, etc. Il dit juste que, d'une certaine façon, la démocratie répond à toutes les aspirations et que l'a emporté sur le plan idéologique. Et on voit aujourd'hui qu'en effet, c'est pas tout à fait ça. Dans le cas de l'Allemagne, c'est le retour de l'histoire, oui. C'est-à-dire que cette question du réarmement était une question taboue, en réalité, en Allemagne, pour les raisons qu'on sait, du fait du traumatisme qu'a constitué le nazisme et l'expérience des guerres du XXe siècle. Et donc, cette question... Voilà. Et encore, faut-il aujourd'hui que la décision qui est prise par le gouvernement allemand soit suivie par l'opinion publique, ce qui n'est pas absolument certain. Il s'agit pas simplement de réarmer et de donner 100 milliards. Il y a aussi la question de l'acceptabilité sociale, dont on voit qu'elle est essentielle dans les démocraties. Donc, c'est le début d'un processus, mais on voit effectivement que la crainte aujourd'hui de voir l'Allemagne attaquer militairement crée en fait effectivement une prise de conscience et la levée des tabous sur la nécessité de se défendre, parce qu'effectivement, comme le disait Machiavel, rien n'est plus important que d'être en situation de se défendre, et rien n'est pire que d'être désarmé. Mmh. Vous avez peur, vous ? Non, j'ai pas peur. C'est vrai que ça fait des années que je travaille sur la guerre, avec l'idée que c'est une question qu'il faut prendre au sérieux. Et la meilleure manière de ne pas avoir peur, c'est de prendre les choses au sérieux. Merci beaucoup, Jean-Vincent Hollande, d'être venu ce matin nous proposer vos analyses et remonter dans l'histoire de la philosophie pour essayer de comprendre ce qui se passe. La ruse et la force, une autre histoire de la stratégie, c'est le titre de votre livre qu'on trouve aux éditions Perrin. Et on se quitte avec la guerre. Cette fois-ci, c'est une chanson de Mieuxsec. Je n'ai plus vraiment le choix, car sous les balles qui sifflent, il y en a peut-être une pour moi. Alors je fais comme les autres, je fais ce qu'il ne faut pas, j'en blesse plein par erreur, j'en achève même parfois. Leurs yeux sont pleins de peur, leurs yeux sont pleins d'effroi, alors je ne regarde que leur cœur qui explose au bout de mon bras. Encore une heure, il voudrait croire encore une fois qu'il rêve, que c'est l'horreur, et que demain tout le monde se réveillera. Mais ici il n'y a plus d'heure, ici le temps ne compte pas, car chaque minute se bloque sous la peur. Comment te dire, tu ne t'imagines pas ce qu'on pratique comme horreur pour gagner une forêt, un lac, un bois. Ce qu'on pratique comme horreur pour gagner un lac, un bois. Veux-tu que je te fredonne le bruit des canons qui tonnent? Que je te chantonne tout cet amour qu'on dégaine. Parfois, bien sûr, je me révolte de l'intérieur, car en dehors, il ne faut pas dire qu'on a su. si peur, dire qu'on ne peut plus, qu'on ne peut pas respirer toute cette puanteur qui vous secoue tous les estomacs. Parfois je pense à leurs frères, à leurs sœurs, à leur père, à leur mère et aux miens aussi parfois. Veux-tu que je te fredonne le bruit des canons qui tonnent? Veux-tu que je te chantonne tout cet amour? Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver la chronique quotidienne de philosophie de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Pourquoi la conscience est-elle vitale ? Les philosophes ont beaucoup parlé de la conscience, qui est un thème majeur de l'histoire de la philosophie et une des notions au programme du baccalauréat, mais pour comprendre de quoi il s'agit, il serait temps aussi d'examiner sa fonction et sa place concrète dans notre vie. Pour les neurologues, la conscience est quelque chose de très précis et j'ai assisté un jour à une démonstration qui m'a fasciné. Il y a en effet dans le cerveau, après une sensation, quelle qu'elle soit, de plaisir ou de douleur supposée, une perception d'un objet, quel qu'il soit aussi, il y a une trace visible par certains mécanismes, des scanners, qui revient en quelque sorte dans le cerveau et qui n'est pas n'importe laquelle. C'est une sorte de retour très rapide d'activité, une sorte de flash qui traverse par une lumière très rapide tout notre cerveau. Et c'est cela qui, selon les neurologues, atteste de la conscience. La conscience serait donc une sorte de retour très rapide, de répétition d'une sensation ou d'une perception qui a une fonction très précise. Selon les neurologues, c'est le moment où le sujet vivant rapporte la sensation dont il a été en quelque sorte le porteur, la rapporte à lui-même. La conscience, c'est donc d'abord un savoir au second degré, le fait de savoir que quelque chose qui nous arrive à nous vraiment. C'est cela la conscience et on comprend pourquoi la conscience est une fonction vitale. Car sans la conscience, nous aurions effectivement beaucoup d'événements qui nous arrivent dans notre corps, dans notre cerveau, mais nous ne les rapporterions jamais à nous-mêmes. La conscience n'est donc pas seulement la conscience de quelque chose, ni même la conscience de soi, c'est d'abord la conscience d'un soi, la conscience de quelqu'un qui se rapporte et qui se situe dans le monde. Et si elle disparaît, comme c'est le cas dans certaines pathologies neurologiques, dans certaines pathologies cérébrales, si elle est fragilisée, alors y a-t-il encore quelqu'un dans cette boîte crânienne, dans ce cerveau? C'est bien la question qui se pose. Situer la conscience comme fonction vitale dans notre cerveau, c'est aussi attester de sa vulnérabilité. Et peut-être pas seulement aux troubles pathologiques, aux maladies cérébrales, jusqu'à la fin de vie ou parfois dans certaines situations, on se demande s'il y a encore une conscience et ça peut même être un critère d'arrêt des traitements pour telle ou telle pathologie gravissime. Ce n'est pas sa seule vulnérabilité, il y en a d'autres. On comprend pourquoi on peut désorienter, perturber, détruire même la conscience de quelqu'un par certaines tortures, si on l'empêche de rapporter les sensations à lui-même, si on perturbe ce petit flash cérébral qui est peut-être la condition de notre vie, c'est-à-dire la condition non pas de la vie en général, mais du fait que cette vie soit la nôtre. La conscience n'est donc pas seulement cette fonction théorique très vague dont beaucoup de philosophes ont parlé, c'est peut-être la condition même de notre vie, c'est pourquoi elle est vitale, c'est pourquoi il faut l'entretenir, et c'est pourquoi son étymologie même, le fait de se savoir au second degré, de se savoir avec, cum scire, de se savoir ensemble, de se savoir participer au monde, cette conscience est en effet la boussole de notre existence. Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique est à réécouter en ligne et sur l'application Radio France à l'onglet Le Pourquoi du Comment.